Souvenir. Son image comme un songe, partout s'attache à mon sort. Dans l'eau pure où je me plonge, elle me poursuit encore. Je me livre en vain, tremblante, à sa mobile fraîcheur. L'image toujours brûlante se sauve au fond de mon cœur. Pour respirer de ses charmes, si je regarde les cieux, entre le ciel et mes larmes, elle voltige à mes yeux. Plus tendre que le perfide, dont le volage désir fuit comme le flot limpide que ma main n'a pu saisir.